Gautier, c'est beau d'aménager votre espace tout en contribuant à ménager l'environnement. Avoir un chez-soi fabriqué chez nous, en Vendée, c'est beau de jolis meubles qui résistent à tout, au temps et même à vos enfants. Et des meubles à la mesure de votre mode de vie, c'est beau aussi. Rendez-vous sur gautier.fr. Gautier, fabricant français depuis 1960. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les héros de l'Annapurna. Le 3 juin 1950, une expédition française emmenée par Maurice Herzog pose le pied à plus de 8000 mètres d'altitude sur le sommet du mythique Annapurna. Pour la première fois dans l'histoire de l'alpinisme mondial, l'homme s'impose sur l'une des 14 plus hautes montagnes de la planète. L'exploit est sans précédent. L'aventure humaine, elle est hors norme. Quant à la victoire de l'ambition et du courage, elle est totale. Aussi, l'épopée d'Herzog et de ses 8 compagnons fait-elle très vite le tour du monde. Et avec elle, c'est la France tout entière qui rayonne sur la scène internationale. Pourtant, et c'est la particularité de cette affaire, sur les 9 Français engagés dans cette incroyable campagne, seul l'un d'entre eux inscrira son nom dans les livres d'histoire. Seul l'un d'entre eux recevra gloire et reconnaissance au mépris de tous les autres. Après le récit, nous recevrons l'historien éminent spécialiste de la montagne, Yves Balu. Il est l'auteur d'une biographie de Gaston Rébuffat intitulée « Gaston Rébuffat, la montagne pour amis » dans laquelle il rapporte ce que lui a confié justement le célèbre guide sur les coulisses de cette expédition sur l'Annapurna. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice L'Aigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Vous avez été le premier homme avec Louis Achenal à vaincre un sommet de plus de 8000 mètres. Et vous savez combien votre nom est gravé dans la mémoire collective. Cette expérience vous a marqué pour la vie. 60 ans se sont écoulés. Vous êtes toujours là. Vous êtes aussi le dernier témoin. Avec du recul, est-ce que vous vous rendez compte que vous portez en vous tout le poids du symbole et du secret de l'Annapurna? C'est vrai. J'ai un peu ce sentiment-là. Je suis quand même le survivant, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites? Je crois que tout a été dit, vous savez. L'échange que vous venez d'entendre date du printemps 2010. Ce jour-là, l'ancien alpiniste Maurice Herzog reçoit à son domicile une journaliste de l'hebdomadaire Le Point, Nathalie Lamoureux. 60 ans après le triomphe de l'expédition en Himalaya, la France célèbre encore cet exploit. Et à cette occasion, on donne la parole à Herzog, l'un des deux derniers témoins encore en vie. Pourtant, lorsque la journaliste lui demande son ressenti ou lorsqu'elle l'interroge sur ses souvenirs, l'ancien vainqueur de l'Annapurna, alors âgé de 91 ans, certes, reste évasif. Ses réponses sont hésitantes. Une attitude qui contraste avec son comportement à l'image où on le voit les bras croisés, le dos droit, le sourire en coin. Herzog joue Herzog, celui qui depuis 60 ans distille l'unique vérité sur ce qui s'est passé lors de l'ascension. Car là est le problème, précisément. Depuis le retour de l'expédition en juillet 50, c'est lui et uniquement lui qui a le droit de raconter cette histoire au grand public. Notamment à travers son roman Annapurna, premier 8000, un best-seller vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Mais au fil des années, ce récit de l'Annapurna va être écorné, l'aura de Maurice Herzog en souffrir. Sur la seule base d'une photo, des journalistes vont émettre des doutes sur la réalité de l'ascension jusqu'au sommet. Puis en 1996, c'est l'apparition des mémoires posthumes de l'un des membres de l'expédition, le guide Louis Lachenal, qui accable le récit herzogien et remet en cause les conditions dans lesquelles se sont déroulés l'exploit. En l'espace de quelques semaines, l'héritage historique se retrouve sévèrement compromis. Certains historiens allant jusqu'à accuser Herzog d'avoir orienté et falsifié certains éléments d'histoire. Alors, que s'est-il réellement passé entre les 9 compagnons de cordée sur les pentes de l'Annapurna au printemps 1950? Comment sont-ils parvenus à réaliser l'un des plus incroyables exploits alpins du XXe siècle? Et pourquoi semble-t-il aujourd'hui y avoir plusieurs versions de leur histoire? Pour le comprendre, il est nécessaire de remonter le temps et de revenir au milieu du siècle dernier à une période où des alpinistes français partaient affronter la montagne. Dimanche 29 mars 1950, banlieue nord de Paris. Depuis le début de la matinée, il règne une intense agitation sur le tarmac de l'aérodrome du Bourget. Malgré un temps frais et gris, à quelques centaines de mètres des pistes, une foule composée d'officiels accrédités et de journalistes se presse autour de la carlingue d'un avion de la compagnie française UTA. L'appareil, un gros quadrimoteur à hélice de couleur blanche et grise, effectue ici une mission spéciale à la demande du gouvernement. À l'arrière, des agents de la compagnie chargent dans le soute plusieurs tonnes de matériel. Il y a là des valises métalliques, des grands sacs de toile, des vivres, des vêtements chauds, des tentes et toutes sortes d'équipements d'alpinisme. Un peu plus loin, quatre responsables de la Fédération française de la montagne observent la scène. Leurs mines sont graves, leurs regards crispés. Voilà 2 ans, en effet, qu'ils préparent cette expédition. 2 ans d'un travail acharné pour permettre à des Français d'accéder à un sanctuaire encore méconnu, la chaîne de l'Himalaya. Cette mission a pour but d'envoyer un groupe d'alpinistes français dans les massifs népalais de Dholangiri ou dans celui de l'Annapurna, histoire d'atteindre l'altitude mythique des 8000 mètres, ce qu'aucun homme n'a réussi à faire jusqu'à maintenant. Si le défi technique est important, l'enjeu sur le plan humain l'est tout autant, bien sûr. Parce que qui sait comment le métabolisme de ces alpinistes va réagir une fois arrivés en haut, à une altitude près de 2 fois supérieure à celle du Mont Blanc. L'horloge de l'aérogare affiche 10 heures. Un léger vent balaye les pistes de l'aéroport du Bourget. Le personnel au sol procède aux dernières vérifications d'usage autour de l'avion du TA. Présent sur place pour la radiodiffusion télévision française, le journaliste Georges Decaune tend son micro à l'équipage. Notre première escale sera à Rome, dans 4 heures après le décollage du Bourget. Nous serons ce soir au Caire, nous passerons la nuit au Caire, et demain, vendredi, nous effectuerons l'étape Le Caire-Bahreïn-Karachi pour coucher à Karachi. Et dans la journée de samedi, nous effectuerons les escales suivantes, Karachi New Delhi-Lucknow, où nous déposerons l'équipe qui va tenter cette ascension au pied même du Népal. Exceptionnelle à plus d'un titre, cette grande campagne d'exploration bénéficie d'un soutien de poids. D'un côté, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, de l'autre, le ministère des Affaires étrangères qui a obtenu l'autorisation exceptionnelle que des ressortissants français puissent mettre le pied au Népal, un pays où la loi interdisait jusque-là l'accès aux Occidentaux. Dans les minutes qui suivent, les membres de l'expédition arrivent à proximité de l'avion. Ils sont 8. 8 hommes âgés de 26 à 43 ans. Ils portent de grands anoraks bleus aux couleurs de la Fédération française de montagne. Chacun d'eux a été sélectionné avec soin par le comité français pour l'Himalaya. Parmi eux, 3 sont des guides professionnels bien connus des massifs alpins. Louis Lachenal, Gaston Répufa et Lionel Terret. 2 autres sont des amateurs très expérimentés. Il s'agit de Jean Cousy et de Marcel Schatz. Aux côtés de ces alpinistes, on trouve aussi un médecin, le docteur Jacques Oudot. Celui-ci aura la charge de veiller à l'état de santé du groupe tout au long du voyage. Enfin, un cinéaste, Marcel Ishak, embarque avec eux pour filmer au jour le jour cette aventure hors du commun. Au micro de Georges Decaune, il réagit au départ avec émotion. Je suis très content de repartir dans l'Himalaya, 14 ans après la première expédition de 1936. Merci, et j'espère cette fois avec plus de chances de succès. Merci, Marcel Ishak. Un mot de l'hôtesse de l'air, s'il vous plaît. Mademoiselle, c'est la première fois qu'une hôtesse de l'air convoie une expédition française à l'Himalaya. Vous êtes pressée, je m'excuse, mais un simple mot. Je suis très content de toutes les emmener, nous voyons rassurer pendant le voyage. Ils ont l'air gentils ? Très, charmant. Eh bien, j'espère qu'ils ne vous causeront pas trop de soucis pendant le voyage. Merci. Au revoir, mademoiselle, et merci. Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous venir ? Voilà, tout le monde est content. Alors que l'équipage invite les membres de l'expédition à embarquer, les photographes s'agglutinent autour du 8e homme, le chef de cette expédition. Cheveux impeccablement coiffés, moustaches bien taillées, sourire franc, Maurice Herzog, 31 ans, se prête avec plaisir au jeu des flashs crépitants. Lui, Herzog, il y a quelques mois encore, était le directeur anonyme d'un fabricant de pneumatiques en région parisienne. Voilà qu'il se retrouve propulsé à la tête d'un groupe d'hommes dont la mission est de triompher des montagnes himalayennes. Passionné d'alpinisme, grand voyageur et meneur d'hommes au caractère ambitieux, Herzog est aussi un ami intime du président de la Fédération de la Montagne. Et il se dit en coulisses que c'est la raison pour laquelle on l'a choisi, bien sûr. Quoi qu'il en soit, au moment d'embarquer, le groupe d'hommes paraît souriant et détendu, et pour cause. Chaque alpiniste rêve de hauteur, l'Annapurna est à la hauteur de son rêve. Et à 11h, ce dimanche 29 mars, l'appareil du TA décolle. Sur le tarmac, les gens applaudissent. À bord de l'avion, nos 8 Français comprennent qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Désormais, ils partent affronter un monde fascinant et dangereux, celui des montagnes, des glaciers et des sommets. Mercredi 5 avril. Après une semaine de voyage, les membres de l'expédition française franchissent les frontières du royaume du Népal. Sur place, des officiers de l'armée népalaise les attendent. Un 9e homme, Francis de Noyel, secrétaire à l'ambassade de New Delhi, intègre le groupe comme officier de liaison. Dans la foulée, il recrute 250 porteurs pour transporter les 5 tonnes de matériel et de vivres. De leur côté, Herzog et ses hommes font la connaissance de leur Sherpa. Ils seront leurs guides pour tenter de rejoindre les sommets. 24 heures plus tard, le convoi est prêt. Les hommes se mettent en route. Les Français sont à cheval, les Népalais à pied, illustration d'un monde à 2 vitesses. La chaleur étouffante rend difficile les premiers kilomètres. Sur le petit sentier en pierre, les porteurs avancent péniblement avec un peu plus de 20 kilos de charge sur le dos. Les heures passent, les paysages défilent. Herzog, Lachenal, Terré, leurs 6 compagnons de cordée admirent le panorama. Autour d'eux, des rivières, des cols et des forêts aux couleurs vives se succèdent. Puis, à mesure qu'ils pénètrent dans la vallée, les chaînes de montagnes les encerclent. Le chemin se fait de plus en plus sinueux. Pour gagner du temps, on décide de remonter la rivière Sri Krishna Kandaki sur des pirogues. L'opération est périlleuse. Les Français, peu aguerris à ce genre de pratique, frôlent d'ailleurs l'accident. Kilomètres plus loin, l'altitude s'élève, l'environnement change. La culture hindoue cède sa place au rite bouddhique. Sur la piste, les vaches de montagne et les yaks au long poil remplacent les buffles de la plaine. À chaque village, une foule curieuse accueille les membres de l'expédition. Dans ces endroits reculés, les habitants n'ont jamais vu d'hommes blancs, encore moins des alpinistes portant des lunettes de soleil. Marcel Ishak, le cinéaste de l'équipe, filme ces rencontres inédites entre les Occidentaux et ceux qu'il qualifie d'orientaux au regard rieur. Terré et Cousy, eux, tentent de s'approcher. Les enfants inquiets reculent. La scène est étonnante et elle fera dire plus tard à Louis Lachenal qu'entre eux et nous, l'étonnement est d'autant plus grand qu'il est partagé. Le 21 avril, l'expédition française arrive dans la ville de Tukusha, à 2600 mètres d'altitude. Herzog et ses compagnons y installent le camp de base général. C'est d'ici, en effet, que partiront les groupes d'éclaireurs pour trouver un chemin vers le sommet. Sur place, derrière de grandes tentes en toile, on hisse un mât avec le drapeau français et le drapeau népalais. Caméra à la main, Marcel Ishak en profite pour décrire l'horizon. Pour un observateur placé à bord d'un avion qui volerait assez haut pour dominer cette partie de l'Himalaya, la vallée de Tukusha apparaîtrait comme une des plus profondes du monde. Le dos Lagiri, au haut de plus de 8000 mètres, domine directement le village. C'est une montagne absolument immense qui nous écrase de sa masse formidable. Pour nous élever dans sa direction, il n'existe ni chemin ni piste. Jamais les habitants du pays n'ont dépassé la limite des pâturages où ils mènent au printemps paître les yaks. Une végétation exubérante recouvre la base de la montagne. À 5000 mètres, la neige et la raréfaction de l'air rendent la marche épuisante. Notre fatigue est aggravée par la chaleur et l'éblouissante lumière tropicale, car le Népal est aussi proche de l'équateur que le centre du Sahara. Presque un mois, sous un soleil de plomb, les alpinistes français explorent les environs à pied ou à ski, avec pour seule assistance des cartes britanniques qui datent du 19e siècle. Alors, ils marchent, ils grimpent, ils tentent de se frayer un passage entre les rochers et les couloirs de neige. Certains jours, ils affrontent le brouillard, d'autres, ils bravent le risque d'avalanche. Mais rien n'y fait, leur tentative reste vaine. La montagne refuse de les laisser passer. Pour Maurice Herzog et ses camarades, il faut se rendre à l'évidence, l'ascension du sommet du Dos Lagiri reste impossible. Alors, que faire? Abandonner? Rentrer à Paris? Non, hors de question, à Herzog et à ses camarades. Pensez donc, lui, Herzog, le meneur d'hommes, il ne va pas baisser les bras. Pourtant, le chef d'expédition n'a aucune solution à proposer. Alors il faut attendre le 13 mai au soir, lors du dîner, pour que trois autres membres de l'équipe, Jean Cousy, Marcel Schatz et le docteur Oudot, proposent une idée qui s'avérera être la bonne. Selon eux, il serait possible d'atteindre les pentes d'une autre montagne, plus à l'ouest. Depuis tout couchant, en effet, lorsque le ciel est parfaitement dégagé, on aperçoit par-delà la vallée un autre sommet qui dépasse les 8000 mètres. Cette citadelle de glace, dont la cime émerge d'un rempart de montagne moins élevé, eh bien c'est l'Annapurna. Sur son versant sud, des gorges infranchissables le défendent contre toute approche. Mais une première exploration et une observation à la lunette laissent tout de même entrevoir une voie d'accès, oui, par le nord-est. Pour les 9 hommes de l'expédition, le moment est critique. Car à mesure que les jours passent, la période de la mousson se rapproche. D'ici 2 à 3 semaines, des torrents de pluie et les tourbillons de neige rendront impossible toute approche des sommets. Alors, encore une fois, que faire? Tenter le tout pour le tout? Tout miser sur l'Annapurna? Cette montagne qui semble si proche lorsqu'on la regarde au téléobjectif de la caméra? Après déjà un mois d'efforts et d'échecs, Herzog et ses hommes se mettent d'accord, à l'unanimité. Alors ils remettent leur sac à dos, ils se remettent en marche et ils partent en direction de ce nouveau sommet. Au pied des Nilgiris, les montagnes bleues s'ouvrent un col sans nom. Seule brèche ouverte dans les défenses extérieures de l'Annapurna. Voici la montagne, objet de nos rêves. 7 km nous séparent du sommet à vol d'oiseau. Des journées s'écouleront avant que nous touchions le piédestal de la montagne. Parfois, les nuages s'écartent. Le sommet apparaît, se découpant dans une fenêtre de ciel bleu, toujours aussi lointain et immatériel. Le 17 mai, 4 jours après avoir quitté Tukusha, l'avant-garde de l'expédition atteint le fond du cirque intérieur de l'Annapurna, sanctuaire interdit où aucun homme n'a pénétré avant nous, et installe le camp de base à l'extrémité du glacier. Une véritable prison, ce camp de base. Des murailles farouches le dominent de 4000 mètres. premier avertissement de la montagne. Cette nuit, le souffle d'une avalanche a arraché les tentes des porteurs. Ceux-ci n'avaient nullement besoin de cet encouragement. La plupart nous quittent et s'engagent à revenir dans 20 jours chercher nos bagages. Que sommes-nous venus faire dans ces montagnes maudites, se demandent-ils. Leurs yeux inquiets se tournent vers Rébuffa et Terret, qui discutent de l'itinéraire, tandis que Lachenal l'étudie dans ses jumelles. Depuis le camp de base, installé à 5100 mètres d'altitude, l'expédition française continue son exploration de l'Annapurna. Mais à plusieurs reprises, Herzog et ses hommes doivent rebrousser chemin. Après plusieurs jours de marche sans succès, la fatigue et la déception se lisent désormais sur leurs visages. Par chance, les guides Rébuffa et Lachenal, partis en éclaireur sur un autre versant, découvrent enfin un chemin qui pourrait les amener plus haut. Ils ne le réalisent pas, mais ils viennent d'offrir à leur chef, Herzog, la clé du sommet. Dès le lendemain matin, les cordées d'assaut se mettent en marche. Terret, Lachenal et Rébuffa sont à l'avant-poste. Ils donnent le rythme. Les porteurs népalais, eux, sont loin derrière. Pour aller plus vite, Herzog décide de sacrifier une partie du matériel médical. Et les jours de marche se succèdent. À cette altitude, les hommes doivent désormais affronter la neige et le froid. La fatigue se fait sentir. À la nuit tombée, sous la tente, les alpinistes français règlent un petit poste radio. Celui-ci leur apporte les dernières nouvelles de la météo. This is All India Radio Delhi. Ici la radio de Delhi, sur la fréquence 60.48. Voici un bulletin météo spécial pour l'expédition française au Népal. La mousson s'étend sur toute la partie est de l'Himalaya. Elle devrait être sur vous d'ici le 10 juin. Le 10 juin, autrement dit, dans moins de deux semaines, Herzog et ses compagnons de cordée l'ont compris, une course contre la montre s'engage. Le lendemain, la marche reprend, la tension grimpe, comme les hommes. À 5900 mètres d'altitude, on hisse à la hâte le camp 2. Herzog décide de faire équipe avec Lachenal et le chef des Sherpas pour tenter une ascension plus rapide. Le lendemain, ils installent le camp 3 à 6600 mètres. Ils réalisent une première soudure avec le reste du groupe. On répartit les provisions dans des sacs. Herzog repart devant. Mais son comportement change. Personne ne s'en rend vraiment compte, sauf lui Lachenal, avec qui il partage la dernière partie de l'ascension. Dans ses mémoires, le très expérimenté guide alpin rapporte que son chef semble désormais obnubilé par le sommet. Herzog, dit Lachenal, est devenu irritable. Il ne veut rien entendre, car il est convaincu qu'il peut le faire. Chaque matin, la paroi nord de l'Annapurna se dresse face au campement. L'itinéraire que les membres de l'expédition doivent affronter apparaît. Entre les murs de glace, les couloirs d'avalanche et les arêtes saillantes, se dessine un passage qui semble emmener au sommet. Le parcours est très technique, et l'approche est d'autant plus délicate que la respiration des hommes est difficile, et pour cause. À 7000 mètres d'altitude, l'air perd 60% d'oxygène. Malgré cette difficulté, le 31 mai, les guides Terret et Rébuffa se hissent à 7300 mètres d'altitude et dressent le camp 5, ultime étape avant l'attaque du sommet. Quelques heures plus tard, Lachenal et Herzog les rejoignent. Le 1er juin au matin, le chef de l'expédition française en Himalaya transmet au chef des Sherpas un message à faire redescendre et à transmettre où il écrit « Pour Paris, donnons assaut par voie glaciaire difficile, stop. Progression rapide malgré danger, avalanche et chute de glace, stop. Espérons remporter victoire. Physique et morale de tous, parfait. » 48 heures plus tard, aux premières lueurs du jour, dans le camp 2, Marcel Ishak aperçoit la jumelle 2, point noir sur la neige, au pied d'un contrefort à 700 mètres du sommet. Ce sont Lachenal et Herzog. À ce moment, le cinéaste n'imagine pas l'état dans lequel sont les deux alpinistes, car sur place, le chef de l'expédition semble électrisé par cette proximité avec le sommet. De son côté, Louis Lachenal a les pieds transis de froid. Le guide le sent, s'il continue l'ascension, il risque de se blesser gravement. Pour autant, il ne peut pas abandonner Herzog. Non, bien sûr, il doit l'accompagner, quoi qu'il lui en coûte. À 6 heures, nous nous mettons en route. Il fait très beau, mais aussi très froid. Déjà, nous dominons tout, hormis le lointain d'Olagiri. La marche est épuisante. Chaque pas est une victoire de la volonté. Le soleil nous rattrape. Lachenal se plaint de plus en plus de ses pieds. Brusquement, il me saisit. Si je retourne, qu'est-ce que tu fais ? En un éclair, un monde d'images défile dans ma tête. Les journées de marche sous la chaleur torride. Les rudes escalades, les efforts exceptionnels déployés par tous pour assiéger la montagne. L'héroïsme quotidien de mes camarades pour installer, aménager les camps. À présent, nous touchons au but. Dans une heure, deux peut-être, tout sera gagné. Et il faudrait renoncer. C'est impossible. J'irai seul. S'il veut redescendre, je ne peux pas le retenir. Il doit choisir en pleine liberté. Sans hésiter, il choisit. Alors, je te suis. Voilà, les dés sont jetés. Ils iront jusqu'au bout. Autour d'eux, un désert de neige blanche fait office de seul paysage. La température avoisine les moins 20 degrés. Après 5 heures de marche, Herzog et Lachenal se retrouvent face à un mur de rochers et de glace. La pente est abrupte. Malgré leurs crampons et leurs piolets, les deux alpinistes glissent. Alors, tant bien que mal, ils rattrapent un couloir de neige. De là, ils se hissent sur une nouvelle arête. Cette dernière mène à 3 petits sommets. Les deux hommes avancent lentement, l'un derrière l'autre. Le vent froid leur gifle le visage. Leurs pieds s'enfoncent dans la neige. Ils continuent d'avancer, lorsque soudain, leur regard se fige. En face d'eux apparaît le vide. Ça y est, enfin, ils ont atteint le sommet. Ils sont là où aucun homme avant eux n'avait jamais mis les pieds. Ils sont à 8075 mètres d'altitude. Le premier réflexe d'Herzog est de s'agenouiller et d'ouvrir son sac. Il en sort des drapeaux et son appareil photo qu'il règle et qu'il confie à Lachenal. Ensuite, il attache un petit fanion bleu, blanc, rouge sur son piolet. Il le brandit au-dessus de sa tête. Lachenal cadre et appuie sur le déclencheur de l'appareil. Il vient de réaliser le cliché qui bientôt fera la une de tous les magazines. Au même moment, en bas, au camp 3, à 6600 mètres d'altitude, à mesure que les heures passent, l'inquiétude grandit chez les autres membres de l'expédition. Dans le téléobjectif de sa caméra, Marcel Ichak observe une épaisse masse de nuages blancs qui entoure le sommet. Aucun doute, la météo se dégrade. Alors, le cinéaste s'interroge. Herzog et Lachenal ont-ils réussi à aller jusqu'au bout? Et si oui, vont-ils pouvoir redescendre et se mettre à l'abri? Assis dans leur tente, au camp 5, Lionel Terray et Gaston Rébuffa attendent. Rébuffa regarde l'aiguille de sa montre. Les secondes semblent durer des minutes qui elles-mêmes semblent durer des heures. Dehors, toujours rien. Les parois blanches restent silencieuses, immobiles. Aucun signe de ses deux compagnons de cordée. Lorsque tout à coup, Terray croit entendre une sorte de froissement continu. Non, ce n'est pas un froissement, ce sont des pas d'hommes qui marchent dans la neige. Les deux alpinistes se précipitent hors de leur tente et là, ils aperçoivent Maurice Herzog. Droit comme un automate, le visage fatigué, les mains nues, recroquevillées, le chef d'expédition est là, face à eux. Épuisé, leur lance, « Je vous rapporte une belle victoire, nous sommes allés au sommet. » Terray réagit aussitôt, « Bravo Maurice, mais bon, t'as vu tes mains, elles sont complètement gelées. » En effet, au cours de la séance photo au sommet, Herzog a perdu ses gants, et avec le froid, ses mains se sont anesthésiées, il ne s'en est pas rendu compte. Alors que Herzog se rapproche d'eux, Terray ajoute d'un ton inquiet, « Et Louis, où est-il ? » ?»« Il arrive, ça fut dur, très dur, » répond Herzog. Quelques instants plus tard, Louis Lachenal apparaît à son tour. Lui se plaint d'emblée d'avoir les pieds gelés, il a mal, il a froid. Terray et Rébuffa installent leurs deux compagnons sous la tente. Ils les font boire, ils les massent, ils leur flagellent les membres pour tenter de faire revenir le sang. Après une nuit de douleur, les quatre hommes quittent le camp 5 sous la tempête. Ils jettent un dernier regard vers le sommet. Celui-ci a disparu, dans les nuages. Puis ils entament la descente. Elle est apocalyptique. En plein brouillard, les alpinistes errent sur une immense pente de neige coupée de crevasses et de séracs. À 7000 mètres d'altitude, chaque pas est une prise de risque. Après des heures affreux du danger, Lachenal tombe dans une crevasse. Heureusement, sans dommage. Ses compagnons le rejoignent pour se protéger du vent qui frappe avec rage. L'idée était bonne jusqu'à ce qu'une avalanche ne les recouvre. Par miracle, Herzog, Rébuffa, Lachenal et Terray arrivent à s'en extraire. Le lendemain, ils rejoignent le camp 4 où les attend Marcel Schatz et Jean Cousy. Ensuite, direction le camp 3, où le docteur Oudot fait un premier bilan de santé. Et son constat est sans appel. Les blessures d'Herzog et Lachenal sont très graves. Il faut les redescendre au plus vite possible. Alors, on les porte à dos d'homme pour les ramener dans la vallée. On leur recouvre la tête d'un châle pour les protéger du soleil. La descente est un chemin de croix pour Herzog et Lachenal, brûlant de fièvre. Et cet enfer dure plusieurs semaines, pendant lesquelles le docteur Oudot pratiquera les premières amputations sur les phalanges nécrosées. Herzog perdra tous ses doigts, les deux mains, jusqu'aux premières phalanges. Lachenal, lui, la moitié de ses pieds. Paradoxe de la situation, au même moment, alors que les hommes souffrent, à la mi-juin en France, la nouvelle de leur exploit fait sensation. Et la presse fait un large écho de cette grande première en montagne. Et on attend, avec impatience, le retour en France. Ici l'aéroport d'Orly, il est exactement 2h05 et avec 25 minutes d'avance, l'avion, le Constellation qui vient d'Indochine, vient d'atterrir sur cet aéroport. Eh bien, nous sommes ici exactement un mois et quelques jours après le départ de l'expédition française pour l'Himalaya. Nous sommes ici à la même place, mais avec une certaine appréhension, une certaine angoisse qui nous étreint. Voici Maurice Herzog, porté par deux de ses camarades, qui a la main droite complètement entourée de pansements et les deux pieds. Maurice Herzog est porté par Ishak et par un autre de ses camarades. Bonjour Maurice, comment vas-tu ma pauvre vieille? Ça va mon fils? Bonjour Maurice, dis-moi quelques mots, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, mais si je n'avais pas ces petites choses qui sont là... Je ne sais rien, mon vieux, je ne sais rien Maurice. C'est vraiment très impressionnant de voir le chef de l'expédition à l'Himalaya. Les deux mains enveloppées de pansements et les deux pieds enveloppés de pansements. Le 17 juillet 1950, en direct à la radio La France, découvre ses héros, ceux qui ont affronté les sommets enneigés de l'Himalaya. Les huit hommes qui sont partis le 29 mars rentrent en vie. La victoire de l'expédition française sur la montagne est donc totale. De leur côté, Herzog et Lachenal sont admis à l'hôpital. Grièvement blessés lors de l'ultime ascension, ils vont subir de nouvelles amputations. Au même moment, Paris Match consacre un numéro spécial à la victoire sur l'Annapurna. La photo d'Herzog brandissant le drapeau français au bout de son piolet fait la une, comme prévu. Le chef d'expédition devient alors, en l'espace de quelques jours, le visage de ce succès. Et on se bat pour obtenir une interview ou une photo. Il devient, malgré lui, enfin, c'est à prouver, le vecteur d'un récit national glorieux. Celui de ces Français qui vont jusqu'au bout de leur ambition et qui réussissent les exploits. 6 mois plus tard, la sortie du film de Marcel Ishak, Victoire sur l'Annapurna, puis du roman de Maurice Herzog, Annapurna premier 8000, vient d'asseoir ce récit officiel. Celui qui consacre Herzog et qui oublie le nom de ses compagnons de cordée. Celui dans lequel un seul homme emmène avec brio toute une expédition au sommet. Alors qu'on l'a vu, il s'agit avant tout d'une aventure collective. Qu'ils étaient deux au sommet et que sans les Guiterets et Rébuffat, ils ne seraient certainement pas redescendus vivants. Les années passent, Herzog récolte la gloire et sa carrière décolle. Il devient tour à tour secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, député et enfin maire de Chamonix. On le voit à la télé, dans les journaux, il est un personnage respecté et respectable de la scène politique française. Dans le même temps, ses 8 autres compagnons restent dans l'ombre, au point que leur nom disparaît peu à peu des articles de presse ou des reportages. Il faut attendre 1996, soit 56 ans après les faits, pour que le mythe d'Herzog soit enfin ébranlé, que le grand public découvre le vrai visage de cette expédition en montagne. Cette année-là, 2 livres viennent en effet remettre en question l'histoire officielle vendue et diffusée par le Monsieur Sport de la jeunesse du général de Gaulle. Il y a tout d'abord la version non censurée des mémoires posthumes de Louis Lachenal, Les Carnets du Vertige. Ouvrage dans lequel on découvre que le guide alpin s'est sacrifié pour accompagner Herzog jusqu'au bout. Un Herzog qu'il décrit lui-même comme accaparé par la réussite de sa seule ambition. Au même moment, sort en librairie la biographie de Gaston Rébuffat, écrite par Yves Ballu. Dans celle-ci, on découvre le ressentiment de cet autre guide sur toute l'expédition. Il y décrit notamment les risques, selon lui, inconsidérés, pris par leur chef. Oui, l'Annapurna était le sommet de sa gloire, la sienne uniquement. J'irai là où dorment les cimes. Là où dorment les cimes, pour qu'on s'aime, j'irai là-haut, là où tout s'illumine, là où rien ne s'abîme, pour qu'on s'aime sur la montagne nue. Je planterai un drapeau aux conquérants de l'inutile, aux conquérants de l'inutile. Je combattrai les titans. J'embrasserai le Yeti, si t'y es, si t'y es, à main nue. Je combattrai la nuit, si t'y es, si t'y es. Je ferai briller ma vie, je ferai briller ma vie, pour qu'on s'aime bien après les cimes, bien après les cimes, bien après les cimes. Je t'aime. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les héros de l'Annapurna, notre invité, l'historien de la montagne, Yves Balut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Grand spécialiste de la montagne, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, dont une biographie de Gaston Rébuffat, l'un des membres de l'expédition sur l'Annapurna, intitulée « Gaston Rébuffat, la montagne pour amis », paru aux éditions Ebec en 2011. Alors, vous avez écrit aussi un roman, c'est amusant, ça s'appelle « La conjuration de Namché-Barrois hein, » chez Glénat, dans lequel vous vous écrivez le récit fictif d'une ascension, alors qui ne se termine pas comme celle qu'on vient de raconter, mais enfin, qui ressemble à s'y méprendre à celle d'Herzog et de ses compagnons de cordée. Qu'est-ce que vous avez inventé ou est-ce que votre imagination vous a emmené avec ce livre? J'ai deux casquettes, la casquette d'historien et la casquette de romancier. Ah oui. Quand on est romancier, on peut tout se permettre sauf perdre ses lecteurs. Donc j'ai imaginé effectivement une expédition un peu comme l'Annapurna, avec les mêmes enjeux, et dans lesquels il y aurait eu un mensonge, un gros mensonge, et avec des conséquences qu'on peut toujours imaginer dans un roman. Mmh. Et j'ai envoyé ce roman à Maurice Herzog, avec la dédicace suivante, pour Maurice Herzog, ses variations sur un thème annapurnien qu'il fredonne depuis 50 ans. Voilà. Il m'a répondu très gentiment en disant je vais lire ce roman. Bon, alors Yves Balut, on va évacuer quelque chose d'abord, des suspicions, alors moi elles ne me paraissent pas très sérieuses, mais enfin bon, ont-ils vraiment atteint le sommet quand il y a eu la photo? C'était vraiment... Je pose la question parce que des questions ont été posées là-dessus. Mais hein. Le problème c'est la photo. C'est-à-dire... Pourquoi? Parce que depuis qu'on a que l'alpinisme existe, 1786, en gros, première ascension du Mont Blanc. Et après ça, ascension de tous les grands sommets. On n'a jamais fait ni gravure, ni photo du sommet. Parfois des gravures ou des photographies d'ascension, mais de sommet, non. Bah, par définition, d'ailleurs, on ne peut voir que c'est un sommet que si on est en contrebas. Oui. Par définition. Oui, justement. Alors, c'est le problème. Alors là, qu'est-ce qu'il a? Là, c'était une expédition. Une expédition, je dirais, à caractère colonial. Donc, il fallait montrer que la France, que l'équipe de France d'alpinisme était arrivée au sommet du premier 8000. Donc, l'idée de cette photo, mais cette photo, en fait, qui ne prouve rien, parce qu'elle est faite dans une pente. Donc, s'il n'y avait pas eu de photo, on aurait fait comme d'habitude, on n'aurait pas posé de questions, parce qu'on n'a jamais pour habitude de remettre en cause la bonne foi des alpinistes. Là, il y avait une photo qui a posé problème, et notamment aux gens qui n'aiment pas Maurice Herzog. Et dans les gens qui n'aiment pas Maurice Herzog, je vais citer quelqu'un, sa fille, Félicité, qui n'aime pas son père, et qui a écrit un bouquin, Mon père, ce héros, dans lequel elle part d'un axiome tout simple. Mon père a menti toute sa vie, donc... Quand il prétend avoir été au sommet de l'Annapurna, il n'y a pas été. Point. Elle apporte pas l'argument. Alors moi, en tant qu'historien, ma conviction, c'est qu'ils ont été au sommet. D'abord, attendez, vous me rassurez quand même. Attendez, endurer tout ce qu'ils ont enduré pour renoncer à 100 ou 200 mètres, c'est vraiment gâché. Mais en plus, c'est quelque chose de beaucoup plus objectif, c'est qu'en redescendant, Maurice Herzog dit à Terray et Rébuffat, demain vous y allez. Or, si lui n'avait pas été au sommet, il prenait le risque de laisser voir des traces qui n'allaient pas au sommet. Donc ma conviction d'historien, c'est qu'ils ont été au sommet. Vous me rassurez parce que j'aurais raconté une histoire qui finalement n'aurait pas existé, je serais parti en rasant les murs. Merci. Bon, l'autre point essentiel de cette affaire est bien sûr lié au personnage central de toute cette aventure, le chef d'expédition, l'ineffable Maurice Herzog, dont la fille dit qu'il a passé sa vie à mentir. D'abord, pourquoi on l'a choisi lui plutôt qu'un autre pour diriger la campagne française en Himalaya? Pour moi, c'était un choix d'évidence. Sur les six alpinistes donc qui avaient vocation à aller à montagne, il était le seul qui avait à la fois la capacité de diriger, de motiver, d'organiser et de communiquer. Et en plus, évidemment, il était très proche du président de la Fédération française de la montagne, Lucien Devy, qui viendra du reste le parrain dont il sera parrain d'une de ses filles. Et il était très introduit dans les milieux parisiens. Donc on pourrait penser que c'est à cause de ça, mais je pense que même si c'était à cause de ça, c'était un bon choix. Et du reste, un choix qui, j'irais même plus loin. Je dirais que si c'est pas lui qui avait été chef d'expédition, l'expédition n'aurait pas réussi. En fait, il a fait tout simplement entrer l'alpinisme dans l'histoire de France. Donc, grâce à ses qualités de meneur d'homme, mais il y a deux versants, si je puis dire, dans les qualités de meneur d'homme, c'est qu'on peut aussi mener les hommes et leur faire prendre des risques inutiles ou des risques qu'il ne faut pas prendre, tout simplement. Est-ce que Herzog était dangereux de ce point de vue? Alors, Herzog n'était pas dangereux de ce point de vue. Il était certainement de loin le plus motivé de tout le monde. Et je dirais que le mérite qu'il a eu, l'intelligence qu'il a eu, c'est d'être à la fois un bon chef d'expédition, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il devait faire pour organiser cette expédition, pour l'amener à bien, etc. Et il a réussi, en même temps, à être celui qui allait au sommet. Ce qui est très rare dans la plupart des expéditions. Le chef d'expédition reste au camp de base, il organise l'expédition pour mener à la réussite. Lui, là, il a été capable d'organiser l'expédition et d'être au bon moment, avec le bon compagnon, pour se trouver au sommet. Donc c'est le général qui est avec ses troupes, qui va à la bataille avec ses troupes, pas celui qui est avec ses jumelles de loin qui dit il faut faire ci et ça. Pas du tout, absolument, il avait dans son sac les drapeaux. Ce qui veut dire qu'il avait bien l'intention d'aller au sommet. Le 17 juillet 1950, donc on l'a dit, trois mois et demi après leur départ, les membres de l'expédition française rentrent à Paris, ils sont accueillis comme des héros. On va écouter une déclaration du président de la République d'alors, Vincent Auriol, qui leur rend un immense hommage. Messieurs, ce n'est pas seulement l'exemple que vous avez donné, ce n'est pas seulement une épreuve sportive que vous avez faite, vous avez apporté d'abord cette conquête des 8000 qui a fait dire aux doyens des alpinistes et des Himalayens suisses cette phrase qui peut rendre fière la France, la conquête de la Napurna par des Français est le plus grand exploit de montagne de tous les temps. Ah voilà, ça renvoie exactement à ce que vous disiez. Il y avait un enjeu géopolitique, politique pour la France, et là il y a une récupération politique. Bon, Auriol n'a rien inventé, ça continue comme ça, mais il y a une récupération politique, c'est absolument clair. Absolument, c'est vraiment le mot qui s'impose, c'est une récupération parce qu'au départ, les alpinistes, à part Herzog, ils ne sont pas du tout partis pour la France. Ils sont partis parce que c'était l'occasion pour eux de faire une insertion extraordinaire dans un massif qu'ils ne connaissaient pas. Herzog, lui, je pense qu'il était le mandataire de la fédération, il avait bien en tête l'enjeu. Et cette récupération, ça a été une surprise pour beaucoup des alpinistes, notamment pour Gaston Rébuffat, qui a écrit « Ah, si Herzog, au lieu de perdre ses gants, avait perdu les drapeaux, comme j'aurais été heureux. » Donc il n'a pas du tout communié, Rébuffat n'a pas du tout communié à ces grandes manifestations patriotiques. C'était la première fois que la République française s'intéressait à l'alpinisme. C'était jamais arrivé avant, dans des termes qu'on a entendus. Bon, ça nous renvoie aussi à la conquête de la Lune. Les astronautes qui disent la Lune appartient à l'humanité, n'empêche qu'ils plantent quand même un drapeau américain. Voilà. Absolument. Donc on retrouve les mêmes méthodes. L'aspect colonial. Tout à fait. Alors, parlons maintenant de Herzog et sa façon de tirer la couverture à lui. Alors, on l'a dit pendant le récit, on ne l'a pas épargné. Peut-être était-ce un peu injuste, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vraiment tiré la couverture à lui au mépris des autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Alors, on va partir d'une évidence. L'évidence, c'est quand vous êtes dans la rue, vous demandez à quelqu'un si vous connaissez Herzog. Vous avez souvent les gens répondent oui. Quel était le compagnon d'Herzog au sommet de la Napurna? Il n'y a pas beaucoup de gens gens sont capables de citer le nom de Lachenal. C'est ouais. une évidence. Herzog a laissé son nom dans l'histoire. Lachenal, non, il ne l'a pas laissé. Alors, comment ça s'est passé? Je ne pense pas qu'au départ, Herzog ait organisé tout cela. D'abord, je pense qu'il n'était pas en état de le faire parce qu'il était, il avait subi des opérations très, très difficiles, très douloureuses. Je pense que ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que il y a eu la récupération patriotique, il y a eu les médias qui avaient là un très très bon sujet, et progressivement, Herzog s'est mis dans la peau du personnage, cette icône de l'alpinisme français, un modèle pour tout le monde, et qu'il a, avec beaucoup de complaisance, et qu'il a joué avec beaucoup de complaisance, allant même jusqu'à, dans la dernière réédition d'Annapurna pour 8000, faire une nouvelle préface dans laquelle il dit, certes, depuis l'Annapurna, les autres 8000 ont été gravis, mais sans vouloir diminuer leur mérite, ce n'était que des exploits récurrents. Fallait oser écrire ça, quand même. Ouais, voilà. Donc il est resté, il s'est même, lui, mis au sommet du piédestal, vraiment, il s'y est installé. Alors, je pense qu'au départ, il y pensait pas forcément, mais il s'y est vraiment installé avec beaucoup de plaisir. Ouais, il a pris goût à la médiatisation, l'héroïsation, le nom, et voilà. Il a très bien joué. Le reste, on le voit quand il s'exprime. Alors, de leur côté quand même, les camarades d'Herzog n'essaient pas de raconter eux aussi leur histoire, parce que c'était contractuel, ça? Dès le départ, c'était prévu comme ça? Oui, ils ont tous signé, avant de partir, un contrat dans lequel on leur disait, j'accepte de ne pas être payé pour cette expédition qui sera une consécration enviable à ma carrière d'alpiniste. Aujourd'hui, on n'oserait pas écrire des choses pareilles. Et en contrepartie, je m'engage à ne rien publier, ni photo, ni écrit, sans l'autorisation du comité Himalaya ou de la Fédération de la Montagne. Ce qui, de fait, donnait une priorité absolue à Maurice Herzog, qui était chef d'expédition. Si c'était pas lui qui avait été au sommet, on n'aurait pas pu publier sans son accord. Mais là, ça tombait bien. Et du reste, on pourrait imaginer que c'est pas tout à fait par hasard s'il a choisi Lachenal comme compagnon de cordée. Il savait que Lachenal serait incapable, lui, de raconter. Ça aurait été Rebuffat, qui avait déjà publié un livre avant l'expédition. Il prenait le risque que quelqu'un puisse écrire mieux que lui cette histoire, qu'il a écrit remarquablement, parce que Annapurna pour 8000 est très, très bien écrit. Hein. C'est un excellent livre. Ouais, enfin c'est bien ficelé tout ça quand même. Hein. Ah, tout ça est ficelé, c'est clair. Bon, il est parti avec des drapeaux dans son sac. Ouais. Voilà. Donc il savait ce qu'il faisait quand il partait. Il savait où il allait, ce qu'il avait. Et il savait aussi l'enjeu. Et les photos, les fameuses photos, la fameuse photo, il n'y a pas une photo. Il y en a eu 5. Il faut imaginer, Lachenal, il n'en peut plus. Il n'a qu'une idée, c'est de redescendre parce que ses pieds sont gelés. Ouais. Herzog sort de son sac, et c'est compliqué à 8 mètres d'altitude, enlever ses gants. Il les a perdus pour sortir les fanions, pour les mettre l'un après l'autre. Fanion français, il a fait 2 photos. Népalais, une photo. Kléber Colombe, chez qui il travaillait et qu'il avait pu avoir des facilités pour une expédition. Voilà, on remercie Kléber Colombe. Donc il fait faire toutes ces photos avec son appareil, son Foca, qu'on règle à l'époque en tournant l'objectif. Quand il a fait ses photos, il récupère son appareil et il fait une photo de l'Achetal, une seule, totalement floue, qui sera jamais publiée. Ouais. C'est pas de... Allez, attends, et j'ajoute une chose, c'est que l'Everest, 3 ans plus tard, quand Hillary est au sommet de l'Everest, il y a un appareil photo, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une photo de son Sherpa et dit, mais je vais pas lui demander de faire une photo, c'est pas le meilleur endroit pour faire un cours de photographie à mon Sherpa. Donc la seule photo qu'on ait du sommet de l'Everest, c'est pas une photo d'un Anglais, d'un Néo-Zélandais en l'occurrence, c'est la photo du Sherpa. Il y a quand même ce qui est beaucoup plus, enfin, c'est bien joué, c'est respectueux, en plus pour le Népal, c'est autre chose, hein. Oui, c'est façon de faire. Comme si ce que vous dites, c'était bien joué. Ah oui. Exactement. Bon, vous savez que je reviens à ma comparaison parce que c'est un exploit, la conquête de la Lune, par exemple. Toutes les photos qu'on voit, soi-disant de Neil Armstrong. Oui. C'est Buzz Aldrin, en fait. Oui, absolument. Voilà. Mais il n'est jamais cité. Mais de toute façon, il y a le casque qu'on voit pas, qu'il y a derrière. Bon, ça passe comme ça. Mais c'est pas Neil Armstrong, c'est Buzz Aldrin. Ah, oui, absolument. Ouais. Bon, Yves Balut, en 1970, l'un des protagonistes de cette affaire, donc le guide Gaston Rebuffat, s'exprime au micro de Jacques Chancel. C'est dans Radioscopie, donc je rappelle, c'est en 1970. On va l'écouter. Ça se forge bien dans ces cas-là, l'amitié. Oui. Ben, vous savez, alors, il y a une chose. L'alpinisme est un sport où on est attaché pour le meilleur et pour le pire. Il y a en plus, par rapport peut-être à d'autres sports, cette concrétisation grâce à la corde, quoi. On est attaché. Au retour, c'est Maurice qui est attaché avec moi. C'est Louis qui est attaché avec Lionel. Bon, ça se fait tout seul, quoi. C'est pas... Trouver ça tout simple. Oui, mais d'ailleurs, c'est simple. C'est pas... Non, c'est vrai. Ouais, enfin, on sent quand même une certaine gêne hein, dans les propos de Gaston Rébuffa sur cette question, l'amitié au sommet. Vous l'avez rencontré, vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment il en parlait? Est-ce que vous avez senti de l'amertume, de la rancœur? Ou est-ce qu'au contraire, en plus, le temps cicatrisant, hein, il met en avant l'exploit réussi? C'était quoi son état d'esprit? Le temps n'a pas cicatrisé du tout. Ah bon? Ah non. C'était un peu l'inverse. Il se trouve qu'en principe, c'est ça, hein, mais là, oui, mais là ça s'est pas passé comme ça. Et on comprend que au retour d'Annapurna, sur cette déferlante médiatique, c'était difficile de dire, attendez, non, mais je suis pas d'accord. Et puis après ça, de s'attaquer à Maurice Herzog, qui était devenu un monument, c'est pas possible. Et si on voulait exister dans les médias, c'était le cas de Gaston Rébuffa, pas des autres, Gaston Rébuffa, il fallait trouver autre chose. Donc, il s'est interdit d'attaquer de front Maurice Herzog, il n'en a pas pour le reste, ça n'a pas empêché d'avoir au fond lui-même un certain nombre de sentiments très très amers par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit plein de trucs. Il gribouillait sur des pages et qui m'a donné du reste, sachant ce qu'il faisait, je pense, il m'a donné des documents et je peux vous donner quelques courts extraits pour vous montrer un peu comment il ressentait les choses. À ce jour, je n'ai écrit sur l'Annapurna que ce qui m'a été permis par la censure du comité Himalaya. Et bien sûr, vous ne pouvez connaître qu'Annapurna Premier 1000, où outre le ton, les erreurs et les mensonges, y compris les oublis, ne manquent pas. Oui. Ça, c'est écrit de la main de Gaston Rébuffa. Il écrit aussi, à propos de l'Annapurna, misérable piédestal. Il est vrai qu'à ces grammes inutiles, il disait ce qu'il y avait dans le sac de Maurice Herzog, à ces grammes inutiles se sont ajoutés les drapeaux, ceux des drapeaux. Ouais. Et il termine pas, c'est au contraire, c'est dans son journal, au moment de la cérémonie officielle à Paris, de la présentation de l'équipe de France. Il y a un moment où chacun doit prêter serment au chef d'expédition. Il y en a qui ne se posaient pas de problème. Gaston Rébuffa, ça a été très très difficile pour lui qui a toujours été le patron de la cordée. Là, il fallait qu'il prête obéissance. Ouais. Et il a noté dans son journal, dépersonnalisation, virgule, légère nazification. Ah oui, donc ça va loin, effectivement. Donc, ça cicatrise pas. Non, effectivement. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en 96, les mémoires de Louis Lachenal sont publiées dans leur intégralité? On découvre aussi une version qui remet en cause le récit de Maurice Herzog. Pourquoi ce rebondissement, 46 ans après? Alors, je reviens, si vous voulez bien, un tout petit peu avant, enfin même un peu avant, en 54-55. Lachenal en a marre. Non, des mensonges. Et le mensonge, c'est pas le sommet. C'est le fait qu'il est humilié. Il est, du reste, dans le texte qui était cité tout à l'heure de Maurice Herzog, il dit que, en gros, Lachenal voulait faire demi-tour, que c'est lui qui a galvanisé Lachenal par son courage et que Lachenal l'a suivi. Oui. Pour un guide, c'est pas très flatteur, dire qu'on suit son client. Bon. Et ça, et pendant des années, Lachenal a entendu ça. Un jour, il en a eu marre, il a été voir Rébuffa, il a dit à Rébuffa, j'en ai marre de ces mensonges, est-ce que tu crois que le monde prendrait mon témoignage? Et Gaston Rébuffa, qui connaissait bien Beuve-Méry, lui a dit, écoute, je vais en parler. Quelques jours plus tard, il revient voir Lachenal en disant, c'est d'accord. Lachenal a dit, non, je peux plus. Pourquoi? Bah, parce que j'ai eu le tort d'en parler autour de moi. Quelqu'un est venu me voir de Paris et a dit, Lachenal, vous êtes bien à l'École nationale de ski d'alpinisme? Bah, il dit, oui, avec mes pieds coupés, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, si vous voulez y rester, il vaut mieux vous taire sur l'Annapurna. C'est-à-dire, et alors, donc, il a pas pu, donc, publier à ce moment-là, mais il a été voir quelqu'un d'autre, un journaliste alpiniste, qui s'appelait Philippe Cornuau, à qui il a dicté, parce qu'il n'était pas capable d'écrire lui-même, dicté ses mémoires. Et il s'est tué en 55 dans la Vallée Blanche, dans une crevasse, il est tombé, il s'est tué. À ce moment-là, Maurice Herzog et son frère Gérard se sont précipités chez Adèle, la veuve, non pardon, chez Philippe Cornuau d'abord, chez Philippe Cornuau, pour dire, tu nous donnes le manuscrit que tu as tapé, et on va publier ça, ça fera pour Adèle, la femme de Lachenal, ça fera des revenus pour Adèle. D'accord. Il a donné tout, et le texte a été publié, mais après des corrections. Et tout ce qui n'a pas dans le sens du récit de Maurice Herzog a été supprimé et corrigé. Et c'est seulement en 96 que Jean-Claude Lachenal, le fils de Louis Lachenal, a accepté... Publie sans la censure. A accepté qu'on publie les textes sans la censure. Et bien, ce sera le dernier mot, Yves Balu. Je voulais qu'on entende Lionel Terray, puisque on les a pas entendus, ben justement, on pouvait, dans cette émission, entendre leur voix. Bon, on n'a pas le temps, mais on a compris qu'il y avait un corps expéditionnaire et pas seulement un homme qui a tout fait, mais tout le monde. Hein, c'est bien. Absolument. Ça. Absolument. Au revoir, Yves Balu. Merci. Revoir.